Demain, c'est la journée de l'eau. À cette occasion, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, nous propose des vidéos pour nous expliquer l'importance de l'eau pour se nourrir. Or, chaque jour, il y a 232 000 bouches humaines à nourrir de plus. Comment faire face à cette demande et quelles solutions la science nous propose-t-elle? Nous verrons tout cela ce soir et la semaine prochaine. Nous sommes le mercredi 21 mars et c'est le numéro 78 de Podcast Science. Bonsoir, donc c'est Hélène qui tient le rôle de MC ce soir et je suis exceptionnellement que avec Alan. Bonsoir Alan. Salut Hélène. Ouais, on s'est fait un peu lâcher ce soir. Mais enfin, heureusement que voilà, les plus motivés sont fidèles au poste. On va faire un numéro de podcast séance à deux, comme à l'époque glorieuse. Du coup, ça va peut-être, enfin, on va peut-être pas pouvoir voir tout de suite tous les messages dans la chatroom, hein, on vous excuse, mais on est un peu limité dans nos capacités à voir tout. Ouais. Mais c'est pas une raison pour ne pas mettre des commentaires, on regardera ça. Donc, Lan, tu vas nous parler de l'alimentation de tous les humains? Exactement, ouais, du défi alimentaire du 21e siècle. Puis ce sera un dossier en deux épisodes, histoire que voilà, on ait le temps de réfléchir et de parler. Et puis je propose donc pour ce grand dossier le plan suivant. Aujourd'hui, on va poser le décor du défi alimentaire. On va survoler l'histoire de l'alimentation humaine du néolithique jusqu'à nos jours. Rapidement, hein, pas de souci. On verra quelles ont été les contributions de la science à la sécurité alimentaire relative qu'on connaît aujourd'hui. On explorera les limites du modèle d'agriculture actuel. Et puis enfin, on essaiera de se faire une idée de ce que l'avenir plus ou moins proche nous réserve. Et puis la semaine prochaine, donc cette semaine, en gros, on pose un peu le problème. La semaine prochaine, on va essayer d'examiner les solutions. On commencera par explorer la piste du bio comme alternative à l'agriculture hyper intensive d'aujourd'hui. Et puis, on verra si c'est une piste sérieuse ou pas. Puis on verra ce que la science propose d'autre. En gros, on verra quelles sont les vraies solutions. Voilà, donc avant de commencer, je souhaite tout d'abord adresser un chaleureux remerciement à Georges Macki et à Xavier Agnès qui m'ont fourni des tonnes de matériel pour la préparation de ce dossier. C'était vraiment cool. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de tout regarder. Je suis souvent un peu embêté avec les sources. Je me rappelle pour le photovoltaïque, j'avais eu un mal fou à trouver des informations fiables. Là, c'est le contraire. En fait, j'étais un peu submergé tellement on trouve d'informations. On trouve aussi tout et n'importe quoi, mais on trouve de l'information, de l'information sérieuse. Sans vouloir être alarmiste, il va quand même falloir qu'on fasse face à un problème qui est plutôt sérieux si on veut enfin nourrir tout le monde sur notre petite planète. En effet, on serait aujourd'hui 7 milliards d'individus, enfin aujourd'hui depuis le 31 octobre 2011, et sur ces 7 milliards, la FAO que tu citais dans ton introduction, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, estimait en 2010 à quelque 925 millions le nombre de personnes qui souffraient encore de malnutrition. Alors Ça bon, en fait du monde. ça en fait, ouais. C'est un progrès, hein, par rapport aux 1,023 milliards de personnes en 2009, mais bon, il y a encore du boulot. Et puis, pour l'anecdote, la FAO ne publie pas de chiffres pour 2011 parce qu'elle est en train de revoir sa méthodologie d'évaluation de la faim dans le monde à la demande du Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Alors, comme d'habitude, attention aux chiffres qui circulent sur Internet et dans la presse. Les chiffres pour 2011 et 2012 ont de bonnes chances d'être totalement spéculatifs. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive déjà pas à nourrir tout le monde, alors que les demandes des pays émergents grimpent sans arrêt, et puis qu'on abuse déjà allègrement des ressources à disposition. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Hélène, de la notion de transition alimentaire. Non. Non, j'ai découvert aussi, hein, c'est notre ami Georges Macki que j'ai eu la chance de rencontrer récemment à Paris, qui a eu la bonne idée de me brancher sur une vidéo très inspirante. On trouve le lien dans le dossier, qui est déjà en ligne d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent en live. Donc il s'agit d'un cycle de cours sur la gastronomie moléculaire, ça mène à tout, organisé par Hervétis à AgroParisTech. Et puis Hervétis a eu l'excellente idée d'inviter un certain Pierre Combrisse, directeur de recherche sur les comportements alimentaires à l'Institut national français donc de recherche agronomique, l'INRA, et il y parlait des différents modèles alimentaires en fonction des revenus. En gros, l'idée est assez simple. On observe la même tendance partout. Quand on est pauvre, on bouffe des patates. C'est abordable, ça tient bien l'estomac, surtout quand on est en permanent déficit calories. Mais dès qu'on peut s'offrir mieux, ben on va systématiquement commencer à varier son alimentation et y introduire des aliments moins rentables en termes de nutrition et évidemment d'environnement. Bah, c'est Alors pas une on mauvaise voit. idée de se varier quand même, ça. Enfin. Non, non, effectivement, mais ça a des conséquences. Tu vois, quand des milliards de personnes se mettent à varier en même temps, ça a tout à coup une incidence. Donc, dans cette conférence, enfin cette vidéo, on voit différentes illustrations. J'en ai mis quelques-unes dans le dossier. Là, pour les auditeurs qui nous suivent uniquement en audio, on va essayer de les commenter. Donc, la première qu'on voit, c'est les calories consommées par personne et par jour en France entre 1780 et 1980, donc pendant 2 siècles, hein, 2 siècles où il y a eu pas mal de transitions. Au départ, la population était en moyenne clairement sous-alimentée, on le voit sur le tableau, avec un régime à moins de 2000 calories par jour. La FAO en recommande environ 3000 en moyenne. Donc, on consommait moins de calories à l'époque, alors que les besoins étaient sans doute beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. Parce que voilà, on vivait dans des conditions plus difficiles, plus rudes, pas de chauffage, pas de transport en commun, enfin Tout le temps voilà. dehors, enfin bref. Exactement, ouais. Et puis, ben, on voit que la courbe grimpe progressivement au fil des années, jusqu'à culminer dans les années 1920 à plus de 3000 calories, et puis fléchir légèrement après ça. Justement, sans doute, grâce à la généralisation de l'électricité, du chauffage, des transports en commun. Enfin, je spécule un petit peu sur ces points, je ne suis pas allé vérifier si toutes les dates coïncident, mais ça me semble assez évident. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est les trois autres courbes qu'on voit dans le même tableau, qui indique en détail l'apport calorique issu des céréales et des féculents, qui constituaient la majorité de l'apport calorique en 1780, et qui monte en parallèle avec celle des calories totales pendant un siècle. Mais dès que la ration moyenne des 3000 calories par jour est atteinte, bah, les tendances changent. Cette courbe des céréales baisse, et la courbe des produits animaux, des fruits et légumes, augmente. Idem pour la courbe des graisses et des sucres. Elle monte aussi au fur et à mesure que la courbe des céréales descend. Et Et le Oui. juste une question, les sucres, c'est les sucres, enfin tu sais si c'est des sucres rapides ou si Bon, c'est en tous les... l'occurrence, ouais, si c'est par opposition aux céréales, je Oui, pense je qu'on pense, parle des hein. sucres rapides, effectivement. Ouais. Il n'y avait pas de précision dans sa présentation, mais là aussi, ça me semble assez évident. Le deuxième tableau qu'on voit dans le dossier, pour la France, toujours, pendant la même période, montre que si la part des protéines reste à peu près stable dans le temps, on est toujours à 11-12%, donc on l'est déjà en 1780, on l'est encore aujourd'hui. La part des glucides, donc là, les glucides en général, c'est les sucres et les sucres lents, comme les farines et les pommes de terre, justement, se casse complètement la figure, passant de plus de 70%, 70% au 18e et 19e siècle, pardon, jusqu'à moins de 50% en 2000. Tandis que la part des lipides, donc les matières grasses, augmente dans les mêmes proportions. C'est super intéressant. Je sais pas si t'as peut-être pas le dossier sous les yeux, mais Non, j'ai pas le dossier sous les yeux, voilà. Mais si mais t'arrives je à te me représenter, souviens. donc on a quasi une droite pour les protéines qui bougent pas. On a les lipides qui augmentent au fur et à mesure que les glucides descendent. C'est, enfin, moi, ce qui m'étonne, c'est que les protéines ne bougent pas, quoi. On a tellement tendance à nous dire qu'on mange plus de viande et de choses comme ça. C'est vrai que, enfin, moi, ça m'étonne un peu. Ouais, bon, on trouve pas que des protéines dans la viande, il y a Oui. pas mal de lipides aussi, puis on trouve Oui, puis il aussi y a des pas mal de protéines protéines dans les ailleurs. céréales. Ouais, Donc non, je mais. pense que c'est pas les mêmes protéines, tu vois, Ouais. c'était essentiellement des protéines d'origine végétale, maintenant ce serait plutôt des protéines d'origine animale. Là, il donnait pas le détail, mais c'est vrai que moi ça m'a surpris aussi, hein, de voir cette espèce de droite, c'est entre les glucides et les lipides que ça se joue. Enfin bon, voilà, je te passe le détail des explications. J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à aller consulter la vidéo du cours. Elle est en lien donc dans le dossier. Ce qui est vraiment fascinant, en fait, c'est qu'on découvre que tous les pays développés sont passés par ces mêmes tendances jusqu'à ce que le ratio entre les différents types d'apports se stabilise. Puis on observe exactement la même tendance partout, y compris au Brésil, en Inde et en Chine. En gros, c'est simple, le pouvoir d'achat augmente et on aspire à d'autres types d'alimentation. Une autre illustration, toujours de la même veine, montre les courbes de la Chine de 1960 à 2000. Donc évidemment, on voit la même tendance, mais elle n'en est pas au même stade encore. En gros, en 2000, les courbes de la Chine en étaient au même point que les courbes françaises de 1920. Donc c'est dire s'il y a encore une marge de progression. Effectivement. Et puis évidemment, en termes d'exploitation des ressources, bah ça risque de faire mal parce que, ouais, pour rappel, la Chine, c'est grand. Puis il y a du Alors, monde. exactement, il y a du monde, ouais. Alors pourquoi est-ce que ça va faire mal si les Chinois se mettent à manger comme nous? On peut se poser la question. Bah, d'abord parce qu'il faut en moyenne, toujours selon Pierre Combrys, 7 calories d'origine végétale pour produire une calorie d'origine animale. Donc une manière de voir les choses, ce serait de se dire qu'il faut grosso modo 7 fois plus d'énergie pour produire un kilo de viande ou de poisson que pour produire un kilo de patates. Une autre explication qui est peut-être plus évocatrice, c'est la notion d'eau virtuelle. On en parle beaucoup, hein. C'est un concept un peu, enfin, assez tendance. Je le trouve très intéressant parce que il se scie au bien de consommation la quantité d'eau qui a été nécessaire à leur fabrication ou à leur production. J'ai trouvé quelques exemples sur Wikipédia. Par exemple, pour produire un kilo de lait, on utilise 790, 790 litres d'eau. Pour produire un kilo de blé, c'est 1160 litres d'eau. Un kilo de riz, c'est 1400 litres d'eau. Un kilo de porc, c'est 4600 litres d'eau. Donc c'est tout de suite d'autres proportions. Puis attention, un kilo de bœuf, 13 500 litres d'eau. Ouais, c'est fou, hein? Mais c'est après oui enfin bon, les vaches sont peut-être moins grasses enfin moins grosses que les bœufs parce que dire que lait on a besoin de moins d'eau que de faire du bœuf faut quand même avoir la vache. Ouais, bien Je sais sûr. pas, Mais trop comment ils c'est. comptent quoi, Ouais, c'est je sais pas, je suis pas allé regarder le détail de la méthodologie. J'imagine qu'on a dû prendre une moyenne, chaque vache produit durant sa vie tant de litres de lait. Ouais, ça a dû être pris en compte, enfin la production de lait a dû être pris en compte dans le calcul de la production de viande et vice-versa. Bon, pour information, un habitant des États-Unis au régime alimentaire riche en viande consommerait quelques 5 400 litres d'eau virtuelle par jour, alors qu'un végétarien n'en utiliserait que 2 600. C'est du simple au double. Donc tout ça, je l'ai trouvé dans Wikipédia, qui reprend un article, enfin qui reprend dans cet article les chiffres, pardon, j'y arriverai, d'un rapport de 2004 du Conseil mondial de l'eau. J'allais fouiller un peu, j'ai encore trouvé d'autres ratios intéressants. Typiquement, la production d'un kilo de volaille, c'est 4 100 litres d'eau, et la production d'un kilo d'œufs, c'est 2 700 litres d'eau. Donc là aussi, je pense qu'on a dû prendre en compte le fait que la volaille pond des œufs et Et elle en vice-versa. pond plus, mais elle en pond plusieurs. Ouais, c'est ça, ouais. Elle en fait pas qu'un, quand même. Alors que le de pâte de poulet, elle en fait que deux, hein. C'est juste, absolument. Après avoir fait quelques œufs, j'espère. Enfin voilà, bon, on pourrait se dire qu'après tout, on s'en fout, de l'eau, il y en a assez. Ben, en fait, pas du tout. D'ailleurs, comme tu le disais en intro, demain, le 22 mars 2012, c'est la journée mondiale de l'eau, et puis le thème de cette année, c'est justement la planète a soif, car le monde a faim. Alors, Bruno Parmentier, le directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers, dans son livre Nourrir l'humanité, là aussi, il y a un dans le dossier, comme d'habitude, nous dit ceci. Je me permets de citer, c'est quasi un copier-coller, j'espère ne pas avoir de souci de copyright, mais bon, c'est pour la bonne cause. Un extrait, ça C'est va. un extrait, exactement. On peut mourir de soif dans de nombreuses régions, et l'on meurt de plus en plus de faim, faute d'eau pour pratiquer l'agriculture. Si l'eau salée abonde, l'eau douce manque. Elle ne représente en fait que 2,5% des ressources en eau de la planète, dont les deux tiers sont figés dans des glaciers et les neiges éternelles. Donc au total, l'eau réellement disponible dans les nappes souterraines, les mers intérieures, les lacs et les rivières, et qui n'est ni salée ni gelée, ne représente même pas 1% des réserves de la planète. Et pour l'agriculteur, cette eau douce qu'on croyait très abondante commence à devenir une denrée de plus en plus rare en regard des phénomènes de réchauffement de la planète et de croissance de la population mondiale. Les réserves mondiales d'eau douce liquide s'élevaient à 16 800 mètres cubes par personne et par an en 1950. Elles atteignent aujourd'hui 6 800 mètres cubes et devraient tomber à 4 800 mètres cubes en 2025. Alors bon, j'ai du mal à me représenter 16 800 mètres cubes, mais enfin, ce que je comprends, c'est on en aura pratiquement 4 fois moins par personne en 2025 que ce qu'on avait en 1950. Et en fait, c'est toujours, je cite toujours Bruno Parmentier là, 3 milliards de personnes ne disposeront que de 1 700 mètres cubes par an. C'est le seuil d'alerte pour l'ONU, car cette eau douce est très inégalement répartie sur la planète, évidemment. Je vois dans la chatroom que Georges Mackie nous dit qu'en Suisse, l'eau, c'est pas vraiment un problème. En fait, si. J'essayerai de me rappeler de publier dans les notes d'émission une note des autorités fédérales que Xavier Agnès a eu la gentillesse de me faire suivre tout à l'heure. Il semblerait que même en Suisse, on aurait des problèmes, quoi. Tout le monde doit commencer à faire gaffe. Donc voilà, moi Bon, après, il y a c'est. des endroits où c'est pire que la Suisse quand même. Ouais, absolument, absolument. C'est pas en Suisse qu'on est les plus mal lotis, ça c'est évident. Mais enfin bon, moi, après ces éclairages, je trouve cette notion d'eau virtuelle nettement moins virtuelle. Puis en attendant que je finisse complètement végétarien, ce qui finira probablement par arriver un jour, à partir de maintenant, je n'hésiterai plus jamais au resto entre bœuf et poulet, par exemple. Sachant que c'est 13 500 litres d'eau pour le kilo du premier et 4 100 pour le kilo du deuxième. Puis bon, il n'y a pas. Ouais, Il y a juste une pardon? question de Chris là, je vois dans la chatroom par rapport aux 925 millions d'humains en malnutrition. Est-ce que tu as la proportion qui serait dans les pays développés? Non, non, je l'ai pas. Non, je pense pas. Je pense qu'elle est relativement marginale, ceci dit, dans les pays développés. On a plutôt des problèmes de surnutrition, ou je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Après, ce serait de la malnutrition dans le genre régime totalement déséquilibré, mais pas forcément. Enfin, il doit y avoir des gens qui n'ont pas assez à manger aussi dans J'imagine qu'il y a nos des gens pays, qui, mais. ouais, il y a des gens qui mangent pas à leur faim, et probablement même en Suisse. Je pense que les problèmes, c'est plus sur un mauvais régime alimentaire, comme on voit aux États-Unis, quoi. Sans doute, sans doute. En tout cas, ouais, je pense que la proportion de personnes qui sont en réelle situation de malnutrition, comme elles peuvent l'être dans les pays moins développés, elle doit vraiment être assez ridicule dans nos pays. Enfin, ridicule, j'aime pas le mot, c'est toujours des situations dramatiques, évidemment, même si ça ne concerne qu'une poignée de personnes. Mais grosso modo, je pense que l'essentiel du problème est pas là. Oui, non, mais du coup, il fait la bien différence entre sous-nutrition, qui serait le manque d'alimentation, et malnutrition, qui est un régime alimentaire Ouais, d'accord. Moi, déséquilibré, on va dire. j'avais indiqué malnutrition dans le dossier au sens où il entend sous-nutrition. C'est effectivement à ça que je pensais. Hein. Ouais, non, mais Donc, c'est pour ça que. ouais. Non, non, ça c'est bien d'apporter la précision. D'où la question, je pense, aussi d'avant. Yep. Ouais, donc je disais, il n'y a pas que l'eau. Dans le même ordre d'idée, j'ai déniché dans le rapport Agrimonde qu'il faut, par exemple, aux États-Unis, 2 700 calories d'énergie fossile, donc kilocalories, on dit calories pour faire pour faire simple, d'énergie fossile pour produire 100 calories de porc et 1 600 seulement pour produire 100 calories de bœuf. Voilà, il faut plus d'énergie pour produire du porc que pour produire du bœuf. J'imagine que c'est parce que le bœuf, enfin la vache, broute bêtement de l'herbe, alors que le cochon, c'est un peu plus compliqué à alimenter. Enfin, je sais pas quelles sont les causes derrière, mais évidemment, ça simplifie pas le calcul, quoi. Finalement, peut-être que mieux vaut bouffer des lentilles que Bah choisir déjà entre les la viande, le porc et lentilles, le poulet. faut voir d'où elles viennent, hein. Bah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Enfin bref, donc manger des quantités gigantesques de viande, c'est ce qu'on retiendra. Ça commence à nous poser un gigantesque problème aussi à l'échelle de la planète. On peut se demander comment on en est arrivé là. On va faire un rapide survol historique. On peut dire que notre modèle actuel de production date de la révolution néolithique. À cette époque, plusieurs populations en différents lieux du globe sont passées à peu près simultanément d'une vie de chasseurs-cueilleurs nomades à une vie plus sédentarisée et agricole. C'est à ce moment-là qu'on a progressivement commencé à domestiquer certaines espèces végétales et animales. Et selon Marcel Mazoyer, économiste et agronome, professeur émérite à AgroParisTech, ancien expert auprès de la FAO justement, à cette époque, donc il y a environ 10 000 ans, la population humaine mondiale comptait 5 millions d'individus. Et c'était les balbutiements de l'agriculture. Le modèle a été couronné de succès puisque 5 000 ans plus tard, donc à mi-chemin entre cette époque et la nôtre, on dénombrait quelque 50 à 60 millions d'individus, environ 10 fois plus. On était quelque 200 à 250 millions sur la planète au début de notre ère, 500 millions au Moyen Âge et finalement 1 milliard en 1800 quand la révolution industrielle battait son plein en Angleterre. Et l'économiste britannique Thomas Malthus soutenait que l'agriculture ne pourrait jamais nourrir une population en croissance exponentielle. Ce qu'on appelle le malthusianisme, d'ailleurs, cette attitude de peur face à la possibilité de nourrir tout le monde. Bon, malgré ça, on s'est quand même débrouillé pour se retrouver à 2 milliards en 1925, à 6 milliards en 2000 et 7 milliards aujourd'hui. Et puis ça, ben c'est juste le compte des humains vivants aujourd'hui, évidemment. À ce sujet, tu as peut-être entendu circuler un mème, Hélène, on l'entend pas mal circuler, selon lequel 75-75% des humains ayant jamais vécu sur Terre vivraient maintenant. Tu as déjà entendu ce Ouais, truc-là? il me semble, j'ai déjà Ouais. entendu, ouais. Bon, ben j'ai un Après, scoop pour nos amis poditeurs. Selon le Population Reference Bureau, c'est tout à fait faux. L'une dans l'autre, on aurait été en tout et pour tout, depuis 50 000 ans, en gros, quelques 108 milliards d'Homo sapiens à vivre sur Terre. Donc, cumulé, hein, y a eu 108 milliards d'individus qui ont vécu sur Terre à un moment ou à un autre. 7 milliards sur 108 milliards, bah, ça fait pas 75%, ça fait 6,5. Bon, voilà, je digresse comme Ah, ça d'habitude. me paraît quand même en même temps un peu plus raisonnable que les Ouais. 75%. Mais même si la population a explosé, ça fait un bout de temps quand même qu'on est là. C'est vrai. Ok. Et bon, depuis 1945, nous indique encore Mazoyer, ben on est bien dans une croissance exponentielle, hein, au niveau mondial. Le modèle de croissance anglais du début du 19e s'est étendu finalement à toute la planète. La production agricole a augmenté un peu plus vite encore, heureusement d'ailleurs, que l'augmentation de la population. Et Mazoyer, toujours dans une conférence passionnante du 5 novembre dernier, c'est cette fois notre ami Xavier Agnès qui a partagé la vidéo, qu'on trouve en lien dans le dossier, indique qu'il n'y aura jamais plus de monde sur la planète que l'agriculture ne saura en nourrir. Ça semble logique. Et il précise encore que ce parcours, qui a l'air couronné de succès, comme ça, n'a pas été synonyme de sécurité alimentaire pour tout le monde. Évidemment, à chaque crise sociale et politique grave correspond par corrélation une période de crise alimentaire. Par exemple, au cours du 19e siècle en Europe, suivant les lieux, la population avait doublé, triplé, voire quadruplé au cours des 3 siècles précédents, relativement prospère et marquée par une révolution agricole médiévale assez extraordinaire. Et on s'est retrouvé, en tout cas dans la moitié nord de l'Europe, en situation de surpopulation rurale relative, avec une surexploitation des ressources disponibles. Et de grandes crises sociales ont suivi, puis un effondrement de la production, un effondrement de la population finalement, des troubles sociaux extraordinaires, une réorganisation politique qui a mis un bon siècle à se réaliser, avant que la Ouais. Renaissance finalement propose de nouveaux modèles pour repartir de l'avant au 18e, 19e et 20e siècle. T'allais dire quelque chose, Hélène? Non, c'est... J'étais en train de lire le chat en même temps, c'est D'accord, ouais, ça. On a du monde dans la chatroom, hein. Ouais, il y a même Marco qui nous fait un petit coucou. Ah Marco, ah bah c'est sympa qu'il arrive à nous faire un petit coucou. Il n'a pas pu être avec nous, il s'excuse. D'ailleurs, tout le monde s'excuse. Hein. En intro, j'ai charrié un peu en disant qu'on était les deux seuls fidèles au poste. Tout le monde avait une excellente raison de ne pas être là ce soir. On vous salue tous bien, bien entendu. Bon, pour revenir un peu à ce que je disais, moi, ce qui m'intrigue dans cette énumération de la croissance de la population, c'est qu'on soit passé de 2 milliards en 1925 à 6 milliards en 2000. C'est dingue quand on y pense. On était déjà 2 milliards, ce qui était déjà complètement improbable un siècle plus tôt, et on a réussi à tripler la population en moins d'un siècle. Bon, le phénomène trouve racine dans plusieurs explications. Évidemment, il y a la baisse de la mortalité infantile, la baisse de la mortalité tout court, d'ailleurs, par des nouvelles mesures d'hygiène généralisées, appropriées, comme la possibilité de boire de l'eau sans se faire empoisonner, par exemple, ce qui était une relative nouveauté. L'augmentation de Effectivement. l'espérance de vie, la relative paix dans les pays riches depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les progrès inouïs de la médecine, et puis notamment le miracle des antibiotiques dont Franck nous a parlé il y a 15 jours. Mais bon, évidemment, si l'agriculture n'avait pas suivi, ben on serait quand même mort de faim. Alors selon Bruno Parmentier, que je citais tout à l'heure, là, dans son livre Nourrir l'humanité, les rendements moyens mondiaux des cultures de maïs, de riz et de blé ont presque triplé entre 1950 et 2000. Alors, qu'est-ce qui a à ce point-là donné tort à Malthus? Bon, on va commencer à parler un petit peu de science dans tout ça, le rôle qu'elle a Ah, joué dans quand cette affaire. même. Bah ouais, non, il fallait qu'on y arrive. Donc bon, bien sûr, on pourrait parler de plusieurs apports de la science dans les technologies agricoles, des techniques de sélection des semences à la mécanisation, en passant par l'amélioration des moyens de communication. Les contributions sont nombreuses. Mais la plus importante, sans doute, c'est incontestablement le procédé de Haber-Bosch, qui a été mis au point par Fritz Haber au début du XXe siècle. On estime que la moitié de la population actuelle ne pourrait pas être nourrie sans ce procédé. Ouais, ce serait soit toi, soit moi, là. Mais on pourrait pas être les deux à animer le podcast ce Non soir. mais c'est pour ça en fait qu'on est que 2 soirs, les autres ils n'ont pas eu à manger, ils n'ont pas pu. Ouais, Donc ils voilà. sont un peu morts de faim. Donc, Fritz Haber était un chimiste allemand très ambitieux au tournant du XXe siècle. C'était un juif allemand en période d'antisémitisme assez fort, et puis il voulait à tout prix prouver son dévouement à la patrie de manière spectaculaire. Et en 1880, il a décidé de nourrir l'Allemagne, qui d'une guerre à l'autre était menacée de famine. Nourrir l'Allemagne, rien que ça, voilà. Un projet comme un autre. Ouais. Bon, accessoirement, il y avait environ 1,5 milliard d'êtres humains qui vivaient sur Terre à ce moment-là. Puis on craignait la famine généralisée si le moindre rouage venait à se gripper. On était déjà totalement en flux tendu. Et puis dans les petits milieux renseignés, à l'époque, on savait précisément ce dont on avait besoin. Les besoins d'un seul élément, l'azote. C'est un composé essentiel des acides aminés et des protéines. Quand on plante une graine dans la terre, si elle se met à pousser, c'est parce qu'elle arrive à extraire l'azote de son environnement pour bâtir les parois de ses cellules. Pas d'azote, pas de vie. Alors bien sûr, on trouve, sans le procédé de Fritz Haber, de l'azote exploitable en agriculture, dans le purin par exemple, ou dans le guano, donc On l'avait pas respectivement. attendu d'ailleurs pour utiliser le purin. Effectivement, ouais. Les gens s'étaient rendus compte Oui, de l'intérêt. totalement. Ouais. Le problème à l'époque, c'est qu'on n'en trouvait tout simplement pas assez, quoi. On n'arrivait pas à suivre. Tout ça avait pris des proportions telles que l'Espagne et le Pérou étaient même entrés en guerre pour le guano des îles Chincha, comme on entre aujourd'hui en guerre pour le pétrole, quoi. C'est dire les enjeux. Mais bon, le pire dans tout ça, c'est que l'azote est un élément extrêmement courant, il est fréquent dans la nature. 80% de l'air qui nous entoure est fait d'azote. C'est dire si cette situation est enfin cette situation de rareté de l'azote est totalement absurde. Mais le problème, c'est Mais que il est gazeux quand l'azote, même. ben c'est ça, ouais. Et Non. puis l'azote sous forme gazeuse ne peut pas être exploité par les plantes pour leur croissance. Il faut une pression absolument gigantesque pour détacher les atomes d'azote les uns des autres, pour les lier par exemple à des atomes d'hydrogène. Quand on y parvient, on obtient de l'ammoniac, et puis là, les plantes savent l'utiliser pour leur croissance. Ben, c'est précisément ce que Fritz Haber a réussi à faire. Et aujourd'hui, 100 millions de tonnes d'ammoniac sont produites chaque année selon son procédé. Puis si on peut tous bouffer, ou presque, ben, c'est incontestablement grâce à lui. Le procédé s'appelle le procédé de Haber-Bosch, et pas juste le procédé de Haber, c'est du nom de Karl Bosch, l'ingénieur qui a permis son industrialisation, pour la petite histoire. On va quand même s'arrêter 2 minutes sur ce personnage de Fritz Haber, parce que si d'un côté il a permis de nourrir des milliards de personnes, dont toi et moi, puis qu'on a envie de lui dire merci, ben en même temps on n'arrive pas exactement à le serrer dans nos bras de tout cœur, cet homme-là. Au moment où il recevait son prix Nobel en 1918 pour son fameux procédé, ben il était également poursuivi par les autorités américaines pour crime de guerre. En effet, son invention lui a également permis de mettre au point les premiers gaz de combat, le chlore galeux en l'occurrence, et on sait, c'est malheureusement, enfin c'est très bien documenté, on sait qu'il prenait plaisir à regarder mourir les jeunes soldats d'en face qui se noyaient littéralement sous ses yeux en respirant le gaz qu'il avait mis au point. Il supervisait personnellement les agonies et s'en réjouissait au nom des victoires de la patrie. Alors, enfin bref, si vous voulez en savoir plus, Sympathique. ouais, formidable personnage. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter l'épisode du 9 janvier dernier du formidable podcast Radiolab, un podcast américain en anglais, très très bien fait, qui traite justement de cet insoluble dilemme éthique. Enfin, voilà, je digresse pour changer, j'aime bien digresser. C'est pour ça que j'ai prévu un dossier en 2 épisodes, comme ça je peux digresser allègrement. On va quand même revenir à nos moutons. Si tout le monde il est beau, tout le monde ou presque il est nourri grâce au génial procédé de l'infâme Fritz, alors on peut se demander où est le problème. Ou plutôt les problèmes, parce que j'en vois au moins quatre. Le premier problème, c'est que tout le monde n'est pas nourri, justement, on l'a dit. Le deuxième, c'est que l'agriculture actuelle n'est pas durable. On ne peut pas continuer comme on est en train de le faire aujourd'hui éternellement. Il y a des limites à l'intensification. Il semble qu'on les a déjà allègrement dépassées dans certaines régions du monde. Le troisième, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles surfaces disponibles pour l'agriculture. Il y a aussi des limites à ce qu'on appelle l'expansion. Et puis enfin, le dernier problème, pour voilà, faire une petite synthèse, on l'a évoqué aussi, mais c'est que la demande va croissant alors que les filières sont déjà saturées. Les Indiens, les Chinois, on l'a vu, ont des aspirations alimentaires proches des nôtres, ce qui est totalement légitime, évidemment, mais ça va nécessiter soit des nouveaux miracles technologiques, soit une révision fondamentale de nos régimes alimentaires. Et puis là, on est encore que 7 milliards, on a vu qu'on sera 9, hein. Puis on l'a vu, l'impact environnemental de la consommation de viande plutôt que de pommes de terre est juste énorme. Alors on verra la semaine prochaine quelles pourraient être les solutions à cette équation a priori impossible, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on creuse un peu l'un des aspects que je viens d'énumérer, c'est-à-dire que l'agriculture actuelle n'est pas durable. En quoi est-ce qu'elle n'est pas durable? Ben, certains impacts environnementaux de l'agriculture sont dus à son expansion. Donc ça, c'est quand, par exemple, on remplace des écosystèmes naturels par des champs de céréales ou des pâtures. Et d'autres impacts sont liés à son intensification. C'est lorsque les terrains agricoles sont gérés de manière plus productive via des méthodes d'irrigation, des engrais, des biocides et la mécanisation. On va s'arrêter 2 minutes sur l'expansion. L'expansion agricole a des impacts assez sérieux sur les écosystèmes, la biodiversité, les émissions de carbone et la qualité des sols. En fait, au niveau planétaire, l'agriculture a déjà converti 70% des prairies. T'as vu, je suis sage, je dis 70 tout de suite. Allez, 70 pour mes compatriotes et ceux qui aiment le bon français. Ah moi ça me dérange 50%. pas, je comprends les deux, hein. C'est bien, c'est bien, c'est parfait. Il faut être bilingue de nos jours. Donc, l'agriculture a converti 70% des prairies, 50% de la savane, 45% de ce qu'on appelle la forêt tempérée décidue, c'est-à-dire les forêts, quoi, comme on les connaît, De quoi. chez nous, quoi. C'est ça, exactement, les forêts de grands arbres aux feuilles caduques. Et l'agriculture aujourd'hui, ben, elle poursuit principalement son expansion dans les tropiques, où on estime que 80% des terres cultivées remplacent des forêts, ce qui est plutôt inquiétant dans la mesure où les forêts tropicales constituent un riche réservoir de biodiversité et d'écosystèmes clés. La destruction des forêts tropicales est aussi une source importante d'émissions des gaz à effet de serre. On estime que cela produit 1,1 fois 10 puissance 15 grammes de carbone par année. J'ai aucune idée de ce que ça représente, mais ça veut dire 12% des émissions de CO2 anthropogéniques, c'est-à-dire les émissions de CO2 de l'homme. Donc ça, c'était pour l'expansion. On le voit, quoi. Il y a des limites. Aujourd'hui, on est obligé d'aller empiéter sur des endroits où on devrait clairement pas aller. Et puis l'autre problème, c'est l'intensification. Donc l'intensification, elle a augmenté de manière spectaculaire au cours de ces dernières décennies, de manière bien plus importante encore que l'expansion. C'est elle, en fait, qui est responsable de l'augmentation incroyable des rendements. Au cours des seules 50 dernières années, les surfaces cultivables irriguées ont doublé et l'usage d'engrais a augmenté de 500%, voire plus de 800% pour le seul azote. L'intensification est responsable de la dégradation de l'eau potable dans de nombreuses régions et d'une augmentation globale de la pollution, pardon. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que 70%, nous voyons 70% de l'eau douce exploitée par l'homme l'est à des fins agricoles et dédiée à l'irrigation des cultures. Donc ça, c'est assez fou quand même, hein. On a vu que 1% seulement des réserves d'eau de la planète et de l'eau douce directement exploitable, ben sur ce pourcent, 70%, 70% est exploité à des fins agricoles et spécialement pour l'irrigation des cultures. Bon, il y a aussi l'utilisation d'engrais, l'application de fumier, la culture de légumineuses qui acidifie la terre en y fixant l'azote, ce que j'ignorais, je l'ai découvert en préparant ce dossier. Si, oui. Je vais peut-être préciser ce que c'est que les légumineuses. Enfin, pas si tu sais. Ouais, bah les légumineuses, c'est les haricots secs, ce genre de choses. Tiens, j'ai pas de Le définition soja. sous la main. Allez, soja, c'est aussi légumineuse? Soja D'accord. aussi. Et en Ok. fait, enfin, parce que j'ai un peu étudié ça, la fixation de l'azote se fait par une bactérie au niveau des racines. Et c'est une D'accord. symbiose entre les deux. Entre la plante et la bactérie. Voilà. Ok, bah ça, je La petite pense que histoire. ça mériterait encore un dossier à part entière, probablement. Ouais, intéressant. Et puis bon, donc tout ça a complètement bouleversé les cycles globaux de l'azote et du phosphore, avec des conséquences terribles sur la qualité de l'eau, sur les écosystèmes aquatiques et les pêches marines. Et puis enfin, aussi bien l'expansion que l'intensification contribuent de manière importante au réchauffement climatique. Donc, l'agriculture est responsable de 30 à 35% des émissions de gaz à effet de serre, ce que là aussi j'ignorais totalement, essentiellement en raison de la déforestation tropicale d'abord, des émissions de méthane par le bétail et la culture du riz, et puis par les émissions de protoxyde d'azote qui émanent des terres fertilisées. Alors voilà, si on voulait vraiment dresser un bilan complet, il y aurait encore pas mal de trucs à dire sur la surpêche, par exemple, l'utilisation de pesticides ou encore les élevages hyper intensifs comme les élevages de crevettes qui détruisent tout très durablement sur leur passage, ou pire encore, de la demande croissante en biocarburant qui met directement en concurrence les 4x4 américains avec les estomacs mexicains. Mais bon, on ne peut pas parler de tout et le tableau est déjà assez noir comme ça. Mon intention n'était pas de donner dans l'alarmisme. On va essayer de se calmer un peu. Tiens, si, à réflexion, on va quand même pas parler d'un élément de cette énumération. Un petit mot sur les pesticides, qui là est issu d'un rapport d'expertise intitulé Pesticides, agriculture et environnement, réduire l'utilisation des pesticides et en limiter les impacts environnementaux, rédigé en 2005 par un collectif d'experts. Enfin, il y a toutes les références dans le dossier. Il y a un formidable tableau aussi qui indique l'involution, en l'occurrence, je crois qu'on appelle ça comme ça, quand les courbes baissent. Donc, en résumé, 24%, enfin, on a constaté 24% de réduction de l'utilisation des pesticides en 5 ans, sans baisse de rendement. Ça, c'était en France. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, mieux, ce même rapport parle également de l'expérience danoise. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est super Non. intéressant. Ce pays a commencé à réduire son usage de pesticides en 1986 déjà, puis après 20 ans, bah, l'opération est un total succès. Ils sont arrivés à une diminution de 50% de l'utilisation des pesticides sans aucune baisse de rendement. Comme quoi, voilà, des politiques d'encouragement cohérentes peuvent parfois faire des miracles. Donc voilà, ça c'est un peu pour le bilan. On parle de 9 milliards d'humains en 2050. Alors, je me suis demandé d'où pouvait bien sortir ce chiffre de 9 milliards d'humains en 2050. En fait, c'est le département des affaires économiques sociales de l'ONU qui l'a pondu, qui l'a produit. La plupart des analystes et prospectivistes ont travaillé avec la révision de 2006 du rapport de l'ONU. Et puis ce rapport a encore été révisé une fois en 2010 et rendu public en 2011. Puis il s'appuie sur deux scénarios. On a une variante de fécondité haute qui considère que la fécondité est supérieure d'un demi-enfant en moyenne à celle de la variante moyenne. Et puis cette variante, donc à fécondité haute, aboutit à une population mondiale de 10,6 milliards de personnes en 2050. Donc on est un petit peu au-dessus des 9 9 milliards milliards, ouais. qu'on évoque en général. Et puis, la même hypothèse arrive à 15,8 milliards d'humains en 2100. Ça paraît fou, quoi. Là, on se demande où on va les mettre. Et puis, il y a une variante basse qui, elle, donc table sur un demi-enfant de moins par rapport à la moyenne, qui aboutit à une population mondiale de 8,1 milliards en 2050. Donc pas beaucoup plus que maintenant finalement, et puis qui déclinerait ensuite jusqu'à 6,2 milliards en 2100. Donc voilà, la projection qui est utilisée par tout le monde, c'est la variante intermédiaire ou moyenne, qui table sur 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050. Il faut être conscient que c'est juste une projection. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Puis d'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait pris en compte, par exemple, un risque de nouvelle épidémie ou des choses comme ça. Ça a l'air d'être une estimation assez linéaire. Bon, le rapport est un gros pavé. J'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Si jamais une bonne âme se dévoue pour voir ce qui a été pris en compte dans cette estimation, je suis preneur. Mais enfin bon, quel que soit le scénario, il est indéniable de toute façon que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Et qu'il va falloir trouver des solutions rapidement pour nourrir tout le monde de manière intelligente et durable. Bah, tout ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. On verra qu'il y a beaucoup de bonnes idées et beaucoup de moins bonnes idées. Donc on parlera bio, agriculture intégrée, puis on verra ce que proposent les scientifiques qui ont réfléchi à la question. Voili, voilou. Fin de mon premier ma première mouture de dossier pour ce soir. Ça donne envie pour la semaine prochaine parce qu'il y a encore plein de questions. Sur le chat, là, ils sont en train de parler des nitrates, du coup, sur l'azote. D'accord. Les azotes, on est arrivé sur les nitrates et des problèmes quand les concentrations de nitrates sont un peu trop élevées, particulier en Bretagne. Bon, après, enfin, je sais pas ce que tu as vu par rapport aux légumineuses. Moi, ce qu'on m'avait dit, donc après. C'est des chercheurs de l'INRA qui me l'avaient dit dans ma formation, mais après, voilà, j'ai pas non plus de source autre. C'est qu'en fait, un des problèmes par rapport aux légumineuses, c'est que, en fait, il y a un accord entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et l'Europe fait les céréales de type blé, orge et tout ça. Et l'Amérique du Nord fait plus les légumineuses, donc tout ce qui est soja en D'accord, il y a particulier. un accord, hein, je savais pas ça. Ben apparemment, bon, après j'ai pas retrouvé, enfin j'ai pas non plus cherché pendant des heures, mais j'ai pas forcément retrouvé. Et du coup, c'est vrai que, en fait, les légumes, enfin, puisqu'ils travaillaient sur des légumineuses, ça pouvait être intéressant si justement une année on fait les légumineuses, elles fixent le nitrate, mais qu'après on met des plantes qui ont besoin de ce nitrate-là, quoi. C'est le problème de faire rouler les cultures, quoi. D'accord. Et après, j'ai pas revérifié, donc je mets des guillemets. Hein. Bah. Ah, Bon, t'as raison, c'est prudent. Ok, c'est bon, des sources. sur la question du danger pour l'alimentation humaine des pesticides et ouais, des engrais, enfin de tous ces trucs qui font un peu peur, on abordera cette question la semaine prochaine en évoquant la proposition qu'on fait avec le bio Le finalement. bio, ouais. Voilà, toutes les promesses du bio, est-ce qu'elles sont fondées ou pas? On Est-ce que va c'est vraiment creuser un petit mieux? peu. Exactement, bah c'est ce qu'on va tenter de creuser un peu. En fait, Alors, pour moi, c'était le point de départ du dossier d'ailleurs. ouais. Parce que Oui, voilà, non. en joyeux quarantenaire, bobo, bio. moi, j'ai tendance à marcher spontanément à ces trucs-là. Et puis, quand même, quoi, j'ai fini par me poser Demander. quelques questions. Notamment à chaque fois que tu vois un reportage qui parle d'alimentation, de nutrition, on te parle du danger des pesticides. J'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature, à un comité de lecture sur ces Ouais, dangers-là, justement à l'échelle. c'est pas clair, quoi. Enfin, Ouais, c'est pas très mais il y clair, a j'ai aussi un l'impression. manque de recul aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que c'est de la, enfin, ce serait de l'intoxication à long cours, quoi. Ouais. Enfin, c'est par accumulation, donc. Ouais, bien sûr. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de croyances dans ce domaine. Pas mal de précautionnisme aussi. Puis on va justement essayer de s'interroger sur ce qui relève du fait, ce qui relève de la croyance. Je vais pas démolir le bio, hein, c'est pas du tout l'idée. Il y a des bons côtés, il y en a des moins bons. C'est justement tout ça qu'on va essayer de voir si c'est une réponse adaptée finalement au problème, et puis si les promesses sont tenues ou pas. Puis après, ben, libre à chacun finalement de faire son choix. Il y a quand même Georges dans la chatroom qui dit que t'as fait un très bon dossier. Ah, c'est gentil, Georges. Merci beaucoup. Et je pense qu'il confirme mes dires sur les légumineuses par rapport au moment où est arrivé le message. D'accord. Effectivement. Donc voilà. Il y a Ok, d'autres. et puis je vois qu'on a un commentaire de Manuel aussi qui demande si on parle de l'utilisation des cultures pour faire du carburant pour les voitures au lieu de nourrir les gens. Bah non, non, c'est ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure en parlant de la demande croissante en biocarburant. Je l'ai peut-être pas dit de manière claire en indiquant qu'elle mettait en concurrence les 4x4 américains avec les estomacs mexicains, mais c'est exactement ça en fait. On élève des céréales pour les transformer en carburant pour les voitures. C'est Puis en plus, moi j'avais lu que c'était pas forcément au niveau rendement carbone si bon que ça, quoi. En fait, Ah on mettait non, non, plus non. d'essence Absolument, pour ouais. obtenir. Donc l'intérêt est pas très grand. Ouais, je pense que ça mériterait un dossier à part entière, parce qu'il y a des nouvelles générations de biocarburants, notamment basés sur des algues ou des choses comme ça, qui sont un modèle nettement plus durable. Mais ce modèle-là, en tout cas, c'est un échec total. Et puis, il y a des gens qui continuent à y croire, quoi. C'est terrible. Effectivement, c'est extrêmement polluant, les rendements sont nuls, et puis accessoirement, ça augmente la faim dans le monde. Quand même, on devrait assez clairement tirer une croix dessus, mais bon, comme d'habitude, les enjeux sont tels que c'est difficile, quoi. C'est pas le bon sens qui prime dans ces situations. Bien, bien. Ben, de toute façon, on aura l'occasion de reprendre La la discussion la semaine discussion prochaine. prochaine. Ouais, n'hésitez pas, chers poditeurs, si vous avez des commentaires à faire, des points que vous souhaitez voir clarifiés, précisés pour la semaine prochaine, vous savez où nous joindre. Donc, par Twitter, le handle c'est Podcast Science, tout en un mot. Même chose sur Facebook. Notre mail, c'est quoi déjà notre mail? C'est podcastscience@gmail.com. Podcast-science-gmail.com. Ouais. Voilà. Il y a un formulaire de contact sur le site. Je crois que le Simple. Voilà, le seul moyen qu'on ne propose pas, c'est les signaux de fumée, mais autrement, on est là, nous Ça, c'est un sommes. peu dur hein, parce qu'on est un peu dispersés, alors Ouais, bah c'est ouais, pas c'est facile pour à ça savoir d'ailleurs. par où les Autrement, on en envoyer. reparlait en matière. Enfin Ok, on va enchaîner? donc bah pas de minute pitch pour la semaine prochaine puisque on continue joyeusement sur la nutrition. Par contre, j'ai encore une petite chronique cette semaine. Ah, mais je suis déjà fan de tes chroniques. Après, ça va pas forcément être toutes les semaines, hein, je préviens. Voilà. Hélène, voyons. Bon, allez, on t'écoute. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un DVD qui est sorti aujourd'hui, d'un film catastrophe qui s'appelle Contagion. Donc en fait, bon, je pense que la plupart des gens ont déjà vu des films catastrophes, et souvent, surtout quand la catastrophe est naturelle, tout ça, il y a au moins un scientifique ou deux qui se baladent et qui nous expliquent toutes les origines de la catastrophe, comment y faire face. Et en règle générale, quand on y regarde de plus près, le discours n'est pas franchement scientifique. C'est des abus de langage, voire utiliser des termes pour faire scientifique, mais dans un contexte complètement différent. Mais justement, Contagion, qui sort aujourd'hui, est un peu à l'opposé de ces films-là, et il fait pas, ou au moins en tout cas peu, de concessions avec la science et la médecine, puisqu'il s'agit d'une contagion de maladie, donc c'est plus médical que scientifique. Enfin, c'est... Et donc, bon, je vais vous donner le pitch, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu, qui seraient passés à côté. Donc, une pandémie dévastatrice explose à l'échelle du globe. Au centre de prévention et de contrôle des maladies, donc c'est américain, hein, des équipes se mobilisent pour tenter de décrypter le génome du mystérieux virus qui ne cesse de muter. Mon Dieu. Le sous-directeur Shiver est confronté à un vent de panique collective et est obligé d'exposer la vie d'une jeune et courageuse doctoresse, au moins. Tandis que les grands groupes pharmaceutiques se livrent à une bataille acharnée pour la mise au point d'un vaccin. Le docteur Lorena Orantes de l'OMS s'efforce à remonter aux sources du fléau. Les cas mortels se multiplient jusqu'à mettre en péril les fondements de la société. Et un blogueur militant suscite une panique aussi dangereuse que le virus en déclarant qu'on cache la vérité à la population. Bref, voilà, un bon Ouais, film d'accord. catastrophe. Ok, ouais, En avec tout cas, au moins dans le pitch. toutes les composantes qu'il faut. Voilà. Oh, très classique hein, après dans l'histoire et dans ce qui se met. Bon, si vous voulez un film original, en tout cas au niveau de l'histoire, c'est peut-être pas forcément celui-là auquel il fallait. Par contre, effectivement, au niveau scientifique, c'est très intéressant, donc ça mérite quand même d'être vu. Donc en premier, il démontre très bien les différents problèmes auxquels est confrontée la santé publique en cas d'épidémie et de pandémie, puisque là, dans ce cas-là, c'est carrément une pandémie. Donc il faut d'abord soigner les malades. Donc pour ça, il faut identifier l'agent pathogène, son mode de transmission, voire créer un vaccin ou au moins en tout cas des médicaments si on n'en a pas, limiter la propagation une fois qu'on a le mode de transmission pour éviter le nombre de malades, et puis donc, comme je disais, développer des médicaments et des vaccins. D'autant plus que dans le monde actuel, les gens voyagent très rapidement avec les avions et bien sûr, on emporte avec nous nos pathogènes. Donc, et c'est d'ailleurs un des points clés de l'histoire. Ça commence par quelqu'un qui voyage en avion. D'accord, mais donc il y a quand même des fondements scientifiques. Ah oui, en fait, tous les scientifiques, enfin tous les scientifiques du milieu qui ont vu le film disent qu'il est très très bien fait du niveau scientifique. D'accord, ah ouais, c'est bon à savoir. À noter aussi qu'il présente que le film présente un discours pseudo-scientifique. En fait, il y a un blogueur justement qu'on parlait dans le pitch qui a un discours où il essaye de contrer ce qui est dit et enfin avec des arguments qui sont pour le coup pas scientifiques. Et donc les autorités médicales doivent faire face à ce discours-là et essayer de expliquer, et du coup ça dit que voilà, ça réexplique que le fait d'observer une guérison ne suffit pas à déterminer qu'on a un remède, surtout Bah si la guérison n'est pas plus rapide que celle naturelle sans remède. Mais bon, c'est bon de temps en temps de le redire. Donc voilà. Il montre en particulier les différents organismes de santé publique au niveau donc national. Donc là, on a vu au niveau américain, mais il y a l'équivalent dans les pays développés. Et dans les autres pays aussi, ça se met en place, mais c'est pas toujours aussi efficace. Et puis donc international avec l'OMS, donc l'Organisme mondial pour la santé, basé à Genève, donc qui dépend de l'ONU. Donc j'ai fait un petit peu de recherche et en fait il existe un règlement sanitaire international depuis 1969 qui est signé par 194 États et qui permet de surveiller un petit peu tout ce qui est épidémie, pandémie et donc permettre déjà d'identifier ces maladies et puis essayer d'endiguer les flambées épidémiques, donc au moment où il y a plein de choses. Donc en fait, ils ont fait une révision en 2005 et qui a été évaluée au regard de la grippe H1N1 de 2009. Et donc il y a des conclusions qui datent de l'année dernière pour pointer les faiblesses du dispositif, qui marche très bien, faut pas non plus, voilà, mais qui pointe quand même donc des problèmes qui sont essentiellement dus aux inégalités des systèmes de santé dans les différents pays. Donc, si dans nos pays ça va, on a nos organismes nationaux arrivent assez bien à vite déterminer, à voir les épidémies, à sortir pas mal de données, et puis ensuite d'avoir les moyens d'acheter les vaccins, avec plus ou moins de polémiques, mais au moins peuvent acheter les vaccins et les acheminer aux gens, ce qui n'est pas tout à fait le cas, en particulier dans les pays africains ou même asiatiques, où là le risque est plus grand déjà d'avoir des flambées épidémiques et puis aussi du coup de non-accès aux soins des malades, donc forcément un risque de mortalité plus important. Donc voilà, mais bon, après ça marche quand même relativement bien malgré tout ce qu'on a dit après la grippe H1N1. Bon, c'est peut-être un peu trop prévoyant par rapport à ce que ça a été réellement, mais voilà, c'est toujours un peu le problème. Trouver le juste milieu. Juste un point noir pour le film, quand même, rappeler en fait le temps qui passe pour identifier le virus et après créer le vaccin sont quand même particulièrement courts, et par rapport à ce qui est la réalité, ce serait plutôt quelque chose comme un facteur 10 hein, entre les deux, surtout dans le cas de là, c'est un virus nouveau. Par exemple, pour la grippe, c'est pas ça, enfin là, les temps sont plus proches de ce qu'on avait pour la grippe. Mais la grippe, on sait l'identifier assez facilement, puisque même s'il y a plusieurs types, bon, on sait, voilà, le H, il y en a 5, on sait comment les déterminer. Donc voilà, enfin, donc Ok. à voir quand même, ne Bon, serait-ce que pour excellent. le côté scientifique, peut-être pas pour D'accord, donc l'histoire. tu apposes le label vérifié, validé par Podcast Science sur ce Voilà, film, bah on peut aller le voir. c'est voilà, Bon, voilà. excellent, voilà. Magnifique, il n'y a plus qu'à trouver le DVD. On va mettre le lien dans les notes de l'émission. Ok, alors, est-ce qu'on a le temps de passer un ou deux petits plugs, une ou deux petites news? Ouais, Qu'est-ce que c'est? je peux Ouais? rallonger le je vais rallonger un petit peu l'émission et puis y a pas de souci. Ok, magnifique. Bon, on n'aura peut-être même pas besoin en fait. Moi, je voulais faire quelques petits plugs pour une première BD d'abord. Ça s'appelle La science, c'est pas du cinéma. C'est la BD de Marion Montaigne. On apprend plein de trucs scientifiques en étant plié de rire pratiquement du début à la fin. Moi, je vois pas mieux comme méthode de vulgarisation. C'est juste génial. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre, on peut retrouver la professeure Moustache, donc le personnage central de la BD, sur le blog de Marion Montaigne, qui s'appellera Tu mourras moins bête. Et puis évidemment, on trouve aussi sur l'excellent portail Science BD Strip Science. Lien bien sûr dans les notes de l'émission. Juste une chose, j'ai vu cette semaine que Marion Montaigne était la marraine de. Alors je sais plus exactement le nom du festival, mais c'est un festival de blogs de BD en fait, et donc ils sont allés la chercher justement pour son professeur Moustache. Enfin, c'est Ah, bien, professeur ça Moustache, montre attention. que la. Qu'est-ce que j'ai dit? Dit son Là, professeur le. Moustache, c'est sa Ah, c'est professeur là, Moustache. sa professeure Moustache. Ouais, c'est sur des arbres, on voit pas. Bon, bref. C'est voilà, donc c'est quand même, ça montre que même voilà, au niveau de la BD plus générale, elle est reconnue quoi, pas juste par Ouais, c'est vrai. les scientifiques quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais puis il y a de quoi, c'est sûr, quoi. Puis ce que j'aime bien, c'est que finalement, à travers ce genre d'initiative, la BD scientifique est aussi en train de trouver ses lettres de noblesse. Ouais, très très cool. Ça s'appelle donc La science, c'est pas du cinéma. Deuxième BD, deuxième plug pour une BD. Je crois que j'avais besoin de lire des BD, c'est temps. C'est excellent aussi, c'est dans un tout autre registre. C'est signé d'un de nos auditeurs de la première heure, d'ailleurs, Jules, alias Forza Pedro. Bravo pour ce premier opus. Je me suis là aussi marré du début à la fin. C'est du gros délire, super bien rythmé, qui n'a qu'un seul défaut, ça passe trop vite. Mais là aussi, on peut retrouver tout ce qu'a commis Pedro sur le blog de Jules, donc c'est forzapedro.com, et puis bien sûr aussi sur l'excellent Trip Science. Sinon, j'ai un petit plug pour une note de blog. Alors, on est toujours un petit peu dans le même univers, parce que c'est le blog de Pierre Kerner, pardon, Strange Stuff and Funky Things, saft.com pour les habitués, qui présente une idée d'Alex Wild, un entomophotographe de renom qui tient un blog appelé Myrmécos. Et qui, à force d'être irrité par des erreurs grossières qu'il trouvait sur différents sites, magazines, bouquins de vulgarisation ou encore sur des boîtes de céréales, il a décidé de mettre au point un outil génial, c'est le Taxonomy Fail Index, TFI, pour l'acronyme, ou l'indice d'erreur taxonomique, IET en français. Puis la formule est assez simple, en fait, soit deux espèces A et B. A étant l'espèce véritable du spécimen observé, et B l'espèce attribuée par erreur, et T sera le nombre de millions d'années qui séparent l'une de l'autre espèce de leur dernier ancêtre commun. Et puis enfin, H, voilà, je vous donne toute l'équation là. H, c'est le nombre de millions d'années qui sépare le chimpanzé de l'Homo sapiens, non, qui sépare, pardon, le chimpanzé ou l'Homo sapiens de notre dernier ancêtre commun, donc c'était il y a 6,4 millions d'années. Et donc, Ne on descendons pose. pas du chimpanzé. Attention, tu vas te faire taper sur les doigts. Ah ouais, non, puis je dirais jamais une chose pareille. Non, non, moi j'assume joyeusement mon statut de quasi-chimpanzé. Attends, non, non. Nous sommes Il de y a pas de très souci. proches cousins. Ouais. Voilà. Mes Voilà. cousins, pas ton Exactement. père et. Totalement. Personne ne descend de l'autre. Nul n'est plus évolué que l'autre ou moins évolué. Je ne sais pas quelle ânerie. On s'est chacun adapté à notre milieu pour le mieux depuis qu'on s'est séparé de notre ancêtre commun il y a 6,4 millions d'années. Enfin bref, on digresse. Donc on pose notre équation TFI égale T sur H. Donc entre l'homme et le chimpanzé, ça donne un indice de 1. C'est un peu le point de référence. Et puis, bah, je vous invite à aller voir l'article de Pierre sur saft.com. Il y aura le lien dans les notes de l'émission pour voir d'autres exemples. Je pense que c'est un outil qu'on va ressortir. À chaque fois qu'on confondra les archées et les bactéries, par exemple, ça donne un TFI totalement monstrueux. Je l'ai plus en tête maintenant, j'ai pas l'article sous les yeux, c'est 80 et quelques, je crois. Non, c'est... Voilà. Donc finalement, ouais, confondre un homme et un chimpanzé, ça passe à côté. Il est pas Voilà. si Et éloigné que puis, ça. exactement. Et puis, pour finir avec ma petite série de plugs, après avoir parlé de BD scientifique et de Pierre Kerner, bah, je vais finir en annonçant une semaine spéciale sexualité des dinosaures dès le lundi 26 mars, donc le lundi prochain sur Strip Science. J'ai eu l'occasion d'en voir des extraits. Franchement, ça va être rock'n'roll. C'est juste génial. Donc, il faudra vous M'étonne précipiter pas. sur. Ouais. Les auteurs, les dessinateurs se sont défoulés. Franchement, c'est excellent. Donc, ce sera sur le site de Strip Science, stripscience.café-science.org. On mettra bien sûr le lien dans les notes de l'émission. Oui, alors moi je voulais juste parler de quelque chose que j'ai vu tout à l'heure, hein, donc c'est pas c'est une conférence qui aura lieu demain à 19h heure GMT plus 1 via Google Plus, donc en Hangout. C'est organisé par la Fondation Cartier et le titre c'est Algorithm on Curiosity. Donc, mathématiques, c'est beautiful everywhere, ce serait sur les algorithmes. Je sais pas trop après ce qu'il y a dedans, j'ai pas réussi à avoir un peu plus d'informations, donc, voilà, c'était pour, comme c'est demain, autant en parler. Donc, D'accord, bon, ok, cool. Donc c'est à voilà. 7h GMT plus 1, on est à l'heure d'hiver encore, donc c'est 7h quoi. C'est 19h heure de Paris. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, voilà, c'est en anglais. Donc après, si vous voulez attendre les algorithmes en français, il y a des choses qui se préparent, un peu de patience sur les Yep, c'est algorithmes. vrai. Attends, si je retrouve le calendrier des émissions, on peut peut-être déjà l'annoncer. Donc voilà, c'est Nico le 18 avril qui va nous parler des algorithmes. Il va nous expliquer ce que c'est qu'un algorithme, évoquer les algorithmes célèbres. Et puis le mercredi 25 avril, tadam! Roulement de tambour, c'est Mathieu lui-même qui revient dans Podcast Science nous parler, bah ouais, qui reviendra nous parler des algorithmes de recommandation. Donc, 18 avril avec Nico pour comprendre de quoi on parle, et puis 25 avril avec Mathieu pour aller dans le détail des algorithmes de recommandation. C'est un sujet qui nous avait été demandé par un auditeur, ou des auditeurs, je ne sais plus maintenant. Si c'est un des sujets qui avait été Ouais, il y plébiscité avait sur la plusieurs, ouais, homepage. ça avait été voté, pas sur l'homepage. Ouais. Donc comme quoi, vos votes, on en tient compte, hein. Ouais, absolument, Ça absolument. finit toujours par arriver. Ok, sinon, toi, tu avais une news un petit peu Ouais, en rapport une avec le news. dossier. Voilà, bah, c'est un peu pour ça que j'avais sélectionné. Donc en fait, c'est des chercheurs australiens qui ont réussi à créer du blé dur. Qui serait tolérant au sel, qui du coup pourrait pousser sur les terres salines. Donc en fait, au départ, ils ont trouvé un gène qui permet la tolérance au sel. Enfin, je vous passe le détail de pourquoi, mais voilà. Particulier au niveau des racines. Et en fait, ils ont utilisé les bonnes vieilles techniques de croisement pour essayer justement d'intégrer ce gène au blé dur. D'accord, donc techniquement, c'est pas un OGM. Non, ce n'est pas un OGM. Et C'est comme quoi, intéressant. comme quoi les bonnes vieilles techniques de croisement, ça marche pas si mal que ça, hein. Et donc, ça, le blé dur, c'est ce qui est utilisé pour les pâtes, les semoules, donc couscous et boulgour. Voilà. Donc ça peut être intéressant justement pour les sols, en particulier australiens, qui peuvent être salins. Et enfin, il n'y en a pas qu'en Australie d'ailleurs. Et donc, Oui, absolument. ça Bah, peut d'ailleurs, être je crois pas. intéressant justement. Ouais. En Australie, ils sont déjà touchés de plein fouet par par les problèmes d'accès à l'eau douce liés au réchauffement climatique. Ils Et doivent donc déjà. d'ailleurs un point qu'il disait, c'est que comme c'est pas un OGM, il n'y a pas les problèmes de brevet qu'il y a sur les OGM, et donc c'est beaucoup plus facilement utilisable. Ouais. Voilà. Donc c'est. Ouais, très très fort. Bon, mais c'est excellent. Tu nous mettras le lien dans les notes de l'émission? Pas de Ok. souci. D'accord. Moi j'ai trouvé une news qui n'a rien à voir avec le dossier, mais qui m'a totalement intrigué. Et j'en ai trouvé aucune référence sur les sites ou la blogosphère francophone encore. Alors, je le lâche comme ça. On a découvert des LED. Donc des diodes électroluminescentes qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est fou, Ah, non? c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Alors bon, évidemment, c'est présenté comme ça, c'est pas exactement comme ça, parce que ça, Ah. autrement, c'est dans, voilà, dans un autre univers, quoi, celui du mouvement perpétuel ou je ne sais quoi encore. Mais c'est presque ça, en tout cas, c'est ce qu'ont cru dans un premier temps les chercheurs qui ont fait cette découverte. Donc ça s'est fait au MIT, au Massachusetts Institute of Technology. En diminuant, enfin, on a commencé par alimenter ces LED avec un certain courant, puis ensuite on a diminué le courant, puis on l'a diminué de moitié, encore de moitié, encore de moitié, puis à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où l'éclairage fourni par les LED ne correspondait plus à la quantité d'électricité qui leur était envoyée. Et bien là, les mecs ont cru découvrir le mouvement perpétuel, c'était la Ça fête. aurait été bien. Ouais. Et puis en creusant un peu, en fait, ils se sont rendu compte que c'était un autre phénomène. Donc on parle de LED absolument minuscule avec des courants ridiculement faibles. Et puis à un moment donné, on arrive dans le domaine de la physique quantique où les règles sont plus les mêmes. Et puis là, on est juste au seuil de cette limite. Et les LED arrivent à se débrouiller pour aller pomper de l'énergie dont elles ont besoin pour continuer de produire leur lumière dans la chaleur environnante. Ouais, c'est. Ben, moi, ça me fait rêver, ce truc-là. Je me dis que voilà, on a peut-être des applications possibles pour régler plusieurs problèmes en même temps, quoi. On parle d'un côté de réchauffement climatique et de l'autre de crise énergétique. C'est si on arrivait à exploiter comme ça la chaleur pour produire de l'énergie. Enfin, qui sait? Moi, j'aime bien cette news. Je mettrai bien sûr le lien dans les notes. Alors on va faire très rapidement la quote, hein, parce Ok. que donc c'est de Ça, c'est du gong. c'est du gong. Donc c'est en anglais, c'est tiré de d'une conférence TED. I'm not talking about losing agricultural diversity in the same way that you lose your cake cars. You car Alors, keys. car keys, ouais. Car keys. I'm talking about losing it in the same way that we lose the dinosaur. Actually losing it. Never to see it again. C'est de Carrie Fowler qui s'occupe du projet en Norvège de conserver des graines dans le froid pour justement garder cette biodiversité. Et donc en Ouais. français ça donne je ne parle pas de perdre la diversité de l'agriculture de la même façon qu'on perd ses clés de voiture. Je parle de les perdre dans le même sens que nous avons perdu les dinosaures. Vraiment les perdre, ne jamais les revoir. Voilà, je trouvais que c'était un peu en rapport avec tout ce qu'on a dit. Ouais, c'est vrai, Et puis c'est ma vrai. news, voilà. Non, excellent. D'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir la vidéo TED en question dès que j'ai vu que tu as indiqué le nom de Carrie Fowler. C'est vachement inspirant. C'est super bien. Il faudra aussi qu'on mette le lien. Ouais, faudrait que je le retrouve, je sais pas. Bah, Ah je le ouais, retrouverai, du coup, ouais. je l'ai vu il y a pas longtemps. Bon, bah, bien cool tout ça. Finalement, à deux, on s'est débrouillé. T'as fait un travail de chef là pour gérer en même temps la chatroom, Twitter et Ouais, consorts. c'est un peu chaud quand même. Hein. C'est mieux à trois. Bon, excellent. La semaine prochaine, on sait qu'on est trois, parce que Marco sera de nouveau libre. Pour Nico, on sait qu'il sera malheureusement pas libre la semaine prochaine. Puis pour Franck, on ne sait pas encore. Mais Il voilà. va falloir se dire au revoir là. Ouais, mais t'auras du renfort, c'est ce que je voulais dire. Donc, ouais, on se dit au revoir. À la semaine prochaine pour Revoir. parler de la suite À la des semaine défis de prochaine. l'alimentation. Ciao, ciao!